Le 4 courant, les formations des Coréens en Europe, notamment le rendez-vous des Coréens en Allemagne pour le souvenir de la catastrophe du paquebot Séoul, le Conseil coréen et la solidarité européenne pour une nation et les Coréens en Amérique ont publié une déclaration titrée « Condamnons Bakouné et sa bande ». Par ailleurs, le 5, il y a eu devant la Maison-Blanche à Washington un rassemblement des Coréens aux États-Unis pour la démission de Bakouné. Et l'action des Coréens d'outre-mer pour la démission de la présidente Bakouné et le rétablissement de la démocratie, organisation conjointe des Coréens d'outre-mer, constituée après l'affaire scandaleuse de Bakouné de Chosun-sil, a tenu du 4 au 6 novembre à New York, à Chicago, à Los Angeles, à Londres, à Manchester, à Berlin, à Dublin et ailleurs, un rassemblement d'actualité exigeant la démission de Bakouné, selon la demande de la population.